Vous écoutez France Culture. Short stories and poems. Nouvelles et poèmes. By Raymond Carver. De Raymond Carver. Rêve. Le matin au réveil, ma femme a coutume de me raconter ses rêves. Je lui apporte du café et du jus d'orange et je m'assieds sur une chaise à côté du lit. Elle se réveille, écarte ses cheveux de son visage. Son expression est celle de quelqu'un qui émerge du sommeil, mais à son regard, on voit bien aussi qu'elle revient d'ailleurs. Je lui dis « Alors ?»« C'est dingue, » dit-elle. J'ai fait un rêve et la moitié d'un autre. J'ai rêvé que j'étais un garçon. J'allais à la pêche avec ma sœur et sa copine, mais j'étais saoule. Tu te rends compte? C'est le comble, tu ne trouves pas? C'est moi qui étais censée conduire, mais pas moyen de mettre la main sur les clés. Quand j'ai enfin trouvé les clés, pas moyen de faire démarrer la voiture. Tout à coup, on était dans notre coin de pêche, sur le lac, en bateau. Une tempête allait bientôt s'abattre, mais pas moyen de faire démarrer le moteur. Ma sœur et sa copine étaient mortes de rire. Mais moi, j'avais peur. Là-dessus, je me suis réveillée. C'est étrange, tu ne trouves pas? D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as qu'à le noter, ai-je dit en haussant les épaules. Qu'est-ce que j'aurais bien pu lui expliquer? Moi, je ne rêve jamais. Ça fait des années que je n'ai pas rêvé. Ou peut-être que je rêve, mais au réveil, je ne me souviens de rien. En matière de rêve, je n'ai aucune compétence, qu'il s'agisse des miens ou de ceux des autres. Un jour, ma femme m'a raconté que, peu avant notre mariage, elle avait même fait un rêve dans lequel elle aboyait. En se réveillant, elle avait vu son petit chien, Bingo, assis au pied du lit, et elle avait trouvé qu'il la regardait d'un drôle d'air. Avait-elle aboyé dans son sommeil? Qu'est-ce que ça pouvait bien signifier? Elle décida que c'était un cauchemar et le consigna dans son livre de rêves, mais ne revint jamais dessus. Ses rêves, elle n'essayait pas de les interpréter. Elle les notait, c'est tout, l'un à la suite de l'autre. « Bon, je remonte là-haut, ai-je dit. Faut que j'aille aux toilettes. Je te rejoins dans une minute, quand je me serai réveillée. Je voudrais réfléchir encore un peu à mon rêve. » Je n'avais pas besoin d'aller aux toilettes. Je me suis versé du café et je me suis attablée avec. On était au mois d'août, en pleine vague de chaleur, fenêtres grandes ouvertes. Il faisait très très chaud, une chaleur étouffante. Ma femme et moi, on a dormi au sous-sol pendant près d'un mois. Ce n'était pas désagréable. On avait tout descendu, le matelas, les oreillers, les draps. On s'était mis une table basse, une lampe, un cendrier. On s'amusait bien. C'était un peu comme une seconde jeunesse. Mais en haut, toutes les fenêtres étaient ouvertes, et celles de la maison d'à côté étaient ouvertes aussi. Assis à ma table, j'écoutais Mary Rice et ses enfants dans la maison d'à côté. Ils prenaient leur petit déjeuner et ils riaient. Un des enfants sautait bruyamment sur sa chaise en hurlant de rire. « Ça suffit comme ça, Michael, » a dit Mary Rice. « Finis tes cornflakes, mon chéri. » Au bout d'un moment, Mary Rice a envoyé ses enfants dans leur chambre. Il était temps qu'il s'habille pour partir à l'école. Elle s'est mise à faire la vaisselle en fredonnant. Tout en l'écoutant chanter, je me disais « J'ai vraiment une belle vie. J'ai une femme qui fait un rêve différent chaque nuit. Chaque soir, elle s'allonge à côté de moi. Et dès que le sommeil la prend, quelques beaux rêves l'entraînent au loin. Elle rêve de chevaux, de tempêtes, de gens. Parfois, elle change même de sexe dans ses rêves. Moi, je me passais très bien de rêver. Je n'avais qu'à penser à ses rêves à elle pour ne pas me sentir frustrée. En plus, j'avais une voisine qui chantait ou fredonnait toute la journée. Bref, j'avais l'impression d'être sacrément vernie. Je connaissais ses habitudes. Elle allait dormir à présent. Elle ne dormait jamais quand elle rentrait de son travail à l'aube. Elle rentrait du travail à 5 heures du matin. La babysitter, Rosemary Bendel, une gamine du quartier, attendait son arrivée pour s'en aller. Rosemary n'avait que la rue à traverser pour rentrer chez elle. Après son départ, les lumières restaient allumées. Quelquefois, quand les fenêtres étaient ouvertes, comme maintenant, j'entendais de la musique classique au piano. Un jour, j'ai même entendu Alexander Scourby lisant Les Grandes Espérances. Quelquefois, quand je n'arrivais pas à dormir, je me glissais hors du lit, abandonnant ma femme à ses rêves. Je montais au rez-de-chaussée, je m'attablais, et j'écoutais sa musique ou ses cassettes audio en guettant le moment où sa silhouette passerait derrière un rideau ou se découperait derrière un store baissé. De temps en temps, en dépit de l'heure indue, le téléphone sonnait. Elle décrochait toujours à la troisième sonnerie. Ses enfants s'appelaient Michael et Suzanne. À mes yeux, ils ne différaient en rien des autres enfants du quartier. Mais chaque fois que je les apercevais, je me disais « Petit vénard, vous avez une mère qui vous chante des chansons. Quand on a une mère qui chante, on n'a pas besoin de père. » Un jour, ils sont venus frapper à notre porte pour nous vendre des savons de toilette. Une autre fois, ils sont venus nous vendre des graines. Nous n'avons pas de jardin, bien sûr. Là où nous vivons, rien ne pousse. Mais je leur ai acheté des graines quand même. Le soir d'Halloween, ils venaient frapper aussi, accompagnés de leur babysitter. Leur mère était à son travail, bien sûr. Je leur donnais des confiseries et je saluais Rosemary Bendel de la tête. Ma femme et moi, on est les plus vieux habitants du quartier. On en a vu des emménagements et des déménagements. Mary Rice est arrivée il y a 3 ans avec son mari et ses enfants. Son mari travaillait pour la compagnie du téléphone. Il partait tous les matins à 7 heures et rentrait tous les soirs à 5 heures. À un moment, il a cessé de rentrer à 5 heures. Il rentrait plus tard ou ne rentrait pas du tout. Ma femme l'avait remarqué aussi. « Ça fait 3 jours que je ne l'ai pas vu rentrer, » disait-elle. « Moi non plus, je ne l'ai pas vu, » disais-je. Un matin, quelques jours auparavant, j'avais entendu des hurlements, des bordées d'injures. Un des enfants pleurait, ou peut-être les deux. Au supermarché, la dame qui habitait à 2 maisons de la nôtre, à côté de chez Mary Rice, a dit à ma femme que les Rice s'étaient séparés. « Il les a laissés choir, elle et les enfants, » lui a expliqué cette dame. « Quel salaud !» À quelque temps de là, comme son mari avait plaqué son boulot et était parti vivre ailleurs, Mary Rice a trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant du quartier et elle a vite pris le pli de passer ses fins de nuit à écouter de la musique et des textes enregistrés par des acteurs. Parfois aussi, elle chantait ou fredonnait. La même voisine nous a appris que Mary Rice suivait des cours par correspondance à l'université. « Mary a décidé de refaire sa vie, » disait cette dame, « et d'en offrir une meilleure à ses enfants. » Comme l'hiver n'était plus très loin, je me suis mis en devoir de poser des contrevents aux fenêtres. Tandis que j'étais dehors, montée sur mon échelle, les enfants d'à côté, Michael et Suzanne, se sont rués hors de la maison avec leurs chiens, en faisant claquer la porte à treillis derrière eux. Ils cavalaient sur le trottoir, emmitouflés dans leurs gros manteaux, en shootant dans les tas de feuilles mortes. Mary Rice est apparue sur le seuil et les a regardés s'éloigner. Ensuite, elle a levé les yeux sur moi. « Bonjour, » m'a-t-elle dit. « À ce que je vois, vous vous préparez pour l'hiver. » « En effet, » ai-je dit, « il approche à grands pas. »« C'est vrai, » a-t-elle dit. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait ajouter quelque chose. Puis elle m'a dit, « Je suis heureuse d'avoir bavardé avec vous. »« Tout le plaisir est pour moi, » ai-je répondu. C'était juste avant Thanksgiving. Une semaine plus tard, entrant dans la chambre avec le café et le jus d'orange de ma femme, je l'ai trouvée déjà réveillée, assise sur son séant et prête à me raconter son rêve. Elle a tapoté le lit à côté d'elle et je me suis assis. « On était en bateau, » a-t-elle dit. « On n'a jamais été en bateau, » ai-je dit. « Je sais, mais on était à bord d'un bateau, un gros bateau, un bateau de croisière sûrement. On était au lit dans une cabine. On a frappé à la porte. Quelqu'un est entré avec un plateau de tartelettes, a posé son plateau et est ressorti. » Je me suis levée pour aller prendre une tartelette. J'avais faim, tu comprends. Mais quand j'ai posé les doigts sur la tartelette, ça m'a brûlée. Là-dessus, mes orteils se sont recroquevillés. Tu sais, comme quand on a peur. Je me suis recouchée, mais une musique tonitruante m'a empli les oreilles. C'était du Scriabine. Et puis quelqu'un s'est mis à entrechoquer des verres, des centaines, des milliers de verres qui tintaient tous en même temps. Je t'ai réveillé, je t'en ai parlé et tu m'as dit « Je vais aller voir de quoi il s'agit ». Pendant que tu étais sorti, je me souviens d'avoir vu la lune passer dehors, de l'autre côté du hublot. Puis apparemment le bateau a viré de bord. La lune est repassée devant le hublot et la cabine s'est illuminée. Tu es revenu en pyjama, tu t'es remis au lit et tu t'es rendormi sans dire un mot. La lune brillait de l'autre côté du hublot. Dans la cabine, tous les objets étincelaient. Mais toi, tu ne disais rien. Je me souviens d'avoir été un peu effrayée par ton silence. Mes orteils ont recommencé à se recroqueviller. Ensuite, je me suis rendormie. Et me voilà. C'est un sacré rêve, tu ne trouves pas? À ton avis, qu'est-ce qu'il signifie? Tu n'as pas rêvé, toi? Elle a bu une gorgée de café sans me quitter des yeux. J'ai fait non de la tête. Ne voyant pas ce que j'aurais pu lui répondre, je lui ai simplement suggéré d'inscrire le rêve dans son cahier. « Note-le, je te dis. » Noël n'a pas tardé à arriver. On s'est acheté un sapin, on l'a installé, et le matin de Noël, on a échangé nos cadeaux. Dottie m'a offert une paire de moufles, un globe terrestre et un abonnement au Smithsonian Magazine. Je lui ai offert du parfum, elle a piqué un phare en ouvrant le petit paquet, et une chemise de nuit. Elle m'a serré sur son cœur, puis nous avons pris la voiture pour aller déjeuner chez des amis à l'autre bout de la ville. Entre Noël et le jour de l'an, le temps s'est refroidi. Il a neigé, puis il a reneigé. Un jour, Michael et Suzanne sont sortis, le temps de fabriquer un bonhomme de neige, avec une carotte dans la bouche. Le soir, je voyais la lueur bleuâtre de la télé dans leur chambre. Chaque soir, Mary Rice partait à son travail. Rosemary venait garder les enfants et la lumière restait allumée toute la nuit. Le soir du 31, nous sommes allés réveillonner chez nos amis à l'autre bout de la ville. On a joué au bridge, regardé la télé et à minuit tapant, on a sablé le champagne. J'ai échangé une poignée de main avec Harold et on s'est fumé un cigare. Ensuite, on est remonté en voiture pour rentrer chez nous, Dottie et moi. Mais, et c'est ici que débute la partie vraiment pénible de mon histoire, en arrivant, on a trouvé la rue bloquée par deux voitures de patrouille, gyrophares tournant. Des automobilistes curieux s'étaient garés le long du trottoir et des gens étaient sortis de chez eux. Les badauds étaient habillés pour la plupart. Quelques-uns avaient enfilé de gros manteaux par-dessus leurs pyjamas ou leurs chemises de nuit, visiblement à la hâte. Deux voitures de pompiers étaient garées un peu plus bas dans la rue, l'une dans notre jardin de devant, l'autre dans l'allée de la maison de Mary Rice. J'ai donné mon nom à un policier et je lui ai expliqué que nous habitions la maison devant laquelle était garé le gros camion rouge avec l'échelle. « Il y a le feu chez nous !» hurlait Dottie. Le policier m'a dit que nous n'avions qu'à laisser la voiture ici. « Qu'est-il arrivé ?» lui ai-je demandé. « Il paraît que c'est un radiateur d'appoint qui a pris feu. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Il y avait deux gamins dans la maison, trois en comptant la baby-sitter. Elle a réussi à s'en sortir, mais pas les enfants malheureusement. » La fumée les a asphyxiés. On s'est dirigé vers chez nous à pied. Dottie se cramponnait à mon bras et se serrait contre moi en répétant « Oh mon Dieu, mon Dieu !» La maison était illuminée par les phares des pompiers. Un homme était debout sur le toit, tenant une lance à incendie dont ne s'égouttait plus à présent qu'un petit filet d'eau. La fenêtre de la chambre avait été brisée. À l'intérieur, j'ai vu un homme qui allait et venait dans la pièce, une hache à la main. Puis la porte de devant s'est ouverte et un autre homme en est sorti, portant quelque chose. Je me suis dit que ça devait être le chien des enfants et ça m'a fichu un coup terrible. Une camionnette de la station de télé locale était garée dehors. Un opérateur filmait, caméra à l'épaule. Des voisins battaient la semelle, blottis les uns contre les autres. Certains étaient habillés, d'autres s'étaient jetés un manteau sur les épaules. Les moteurs des voitures de pompiers tournaient et de temps en temps leurs radios se mettaient à nasiller. Mais les badauds, eux, ne disaient rien. En les dévisageant, j'ai reconnu Rosemary, debout entre ses parents, la bouche ouverte. Puis les pompiers ont sorti les enfants de la maison, sur des brancards. De grands gaillards bottés, casqués, vêtus de longs manteaux, des hommes à l'air indestructible qui semblaient avoir encore 100 ans de vie devant eux. Ils sont sortis de la maison. Chacun a un bout d'un brancard portant les enfants. « Oh non !» disaient les badauds agglutinés dehors. Et ils le répétaient. « Oh non !»« Non !» a hurlé quelqu'un. Les pompiers ont posé les brancards dans la neige. Un homme en costume de pièce, coiffé d'un bonnet en laine, s'est approché et a placé son stéthoscope sur la poitrine de chacun des enfants, cherchant un battement de cœur. Ensuite, il a adressé un signe de tête aux ambulanciers, qui se sont avancés et ont empoigné les brancards. À cet instant précis, une petite voiture s'est arrêtée dans la rue. La portière côté passager s'est ouverte et Marie Rail s'en a jailli. Elle s'est précipitée vers les hommes qui s'apprêtaient à hisser les brancards à bord de l'ambulance en criant « Posez-les par terre ! Posez-les par terre !» Les ambulanciers se sont immobilisés, ont posé les brancards par terre et ont fait un pas en arrière. Marie Rice s'est campée au-dessus de ses enfants et s'est mise à hurler comme une bête. Oui, comme une bête, on ne peut pas le dire autrement. Les badauds ont reculé de quelques pas, mais ils se sont approchés de nouveau quand Marie est tombée à genoux dans la neige à côté des brancards, caressant tour à tour le visage de chacun des deux enfants. L'homme en costume de pièce avec le stéthoscope autour du cou s'est avancé et s'est agenouillé à côté de Marie Rice. Un autre homme, qui devait être le capitaine des pompiers ou l'adjoint du capitaine des pompiers, a adressé un signe de la main aux ambulanciers, puis il s'est approché de Marie Rice, l'a aidée à se lever et lui a entouré les épaules de son bras. L'homme en costume de pièce était debout de l'autre côté, mais il ne l'a pas touché. Le conducteur de la petite voiture s'est approché pour voir ce qui se passait. C'était un tout jeune homme qui devait être aide-serveur ou plongeur au restaurant où Marie travaillait. Être témoin de la douleur de Marie Rice n'aurait pas été convenable de sa part. Et il le savait. Il a reculé de quelques pas et s'est tenu à l'écart des badauds, fixant des yeux les brancards que l'on hissait à l'arrière de l'ambulance. « Non !» a crié Marie Rice en se précipitant vers l'arrière de l'ambulance. Voyant que personne n'esquissait le moindre geste, je me suis avancée vers elle et je l'ai prise par le bras en disant « Marie ! Marie Rice !» Elle a brusquement virevolté sur elle-même et m'a dit « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Elle a ramené la main en arrière et me l'a abattue en travers du visage. Ensuite, elle est montée dans l'ambulance avec les brancardiers. L'ambulance a démarré, patinant sur le verglas, jouant de la sirène, et les gens se sont écartés pour la laisser passer. J'ai eu du mal à trouver le sommeil cette nuit-là. Dottie se tournait et se retournait sans arrêt en gémissant. Elle rêvait, je le sais. Je sais que pendant toute la nuit, elle était ailleurs. Très loin de moi. Le lendemain matin, je ne l'ai pas interrogée au sujet de ses rêves, et elle n'a pas fait mine de vouloir m'en parler non plus. Mais quand je suis entrée dans la chambre avec son jus d'orange et son café, son cahier était sur ses genoux, ouvert, et elle tenait un stylo à la main. Elle a refermé le cahier sur le stylo et a levé les yeux sur moi. « Qu'est-ce qui se passe à côté ?» m'a-t-elle demandé. « Rien, ai-je dit. Toutes les lumières sont éteintes. Il y a des traces de pneus dans la neige. La fenêtre de la chambre des enfants est brisée. C'est tout. Sans cette fenêtre brisée, on ne se douterait jamais qu'il y a eu le feu. On ne se douterait jamais que deux enfants sont morts. « Pauvre femme, dit Dottie, je la plains de tout mon cœur. Que Dieu lui vienne en aide, et à nous aussi. » Ce matin-là, à intervalles réguliers, des gens sont passés dans la rue, roulant au pas, inspectant des yeux la maison de Marie Rice. Certains s'arrêtaient à la hauteur du jardin, regardaient la fenêtre, regardaient la neige piétiner dans la cour de devant, puis redémarraient. Vers midi, alors que je regardais par la fenêtre, un break est venu se garer dans l'allée. Marie Rice et son ex-mari, le père des enfants, en sont descendus et se sont dirigés vers la maison. Ils marchaient d'un pas très lent, et en arrivant en bas de l'escalier, l'homme a pris Marie par le bras. La porte de la véranda était restée ouverte depuis la veille. Marie l'a franchie la première. Ensuite, il est entré aussi. Ce soir-là, aux infos locales, ils ont repassé les images. « Je ne peux pas regarder ça », a dit Doty. Mais elle a regardé quand même. Et moi aussi. On voyait la maison de Mary Rice et un pompier sur le toit dirigeant le jet de sa lance à incendie sur la fenêtre brisée. Ensuite, on sortait les enfants de la maison. Nous avons revu Mary Rice tomber à genoux. Puis, tandis qu'on hisse les brancards à l'arrière de l'ambulance, Mary Rice se retourne brusquement vers quelqu'un et hurle « Qu'est-ce que vous voulez ?» Le lendemain, à midi, le break est revenu se ranger devant la maison. L'instant d'après, Mary Rice a descendu l'escalier de la véranda. L'homme est sorti de la voiture, a dit « Bonjour, Marie », lui a ouvert la portière côté passager et ils sont partis à l'enterrement. Il a passé les 4 nuits suivantes dans la maison. Et puis un beau matin, en me levant, à l'aube comme d'habitude, j'ai vu que le break n'était plus là et j'ai compris qu'il était parti pendant la nuit. Ce matin-là, Doty m'a raconté un de ses rêves. Elle était dans une maison, à la campagne. Un cheval blanc s'approchait de la fenêtre et la regardait. Là-dessus, elle s'était réveillée. « Je voudrais faire quelque chose pour lui montrer qu'on a de la peine, » dit Doty. « L'inviter à dîner, peut-être. » Mais les jours passaient, et ni Doty ni moi ne nous décidions à l'inviter. Les jours ont passé. Mary Rice s'est remise à travailler. Mais à présent, elle travaillait la journée, dans un bureau. Je la voyais partir de chez elle le matin et rentrer un peu après 5 heures. Sur le coup de 10 heures, la lumière s'éteignait. Dans la chambre des enfants, le store était toujours baissé. Et je suppose, quoique je n'ai aucun moyen de le savoir, que la porte était fermée. Un samedi, vers la fin du mois de mars, je suis sortie pour démonter les contrevents. Entendant du bruit, je me suis retournée et j'ai vu Mary Rice qui essayait de retourner la terre avec une bêche dans son jardin de derrière. Elle était vêtue d'un pantalon, d'une veste en laine et d'un chapeau en paille. « Bonjour, lui ai-je dit. »« Bonjour, a-t-elle répondu. Je crois que je vais un peu vite en besogne, mais j'ai tout le temps du monde à présent, vous comprenez? Et c'est la date qui est indiquée sur le paquet. » Elle a sorti un paquet de graines de sa poche. « L'année dernière, mes enfants ont fait le tour du quartier pour vendre des graines. En mettant de l'ordre dans les tiroirs, j'en ai retrouvé quelques paquets. » Je ne lui ai pas parlé de ceux que j'avais chez moi, dans un tiroir de la cuisine. « Ça fait un moment qu'on voulait vous inviter à dîner, ma femme et moi. Ça vous dirait de venir dîner un de ces soirs? Ce soir, par exemple, si vous êtes libre. »« Mais oui, pourquoi pas, volontiers. Mais je ne connais même pas votre prénom, ni celui de votre femme. » Je lui ai dit nos prénoms, puis j'ai ajouté « 6 heures, ça vous ira ?»« Ce soir ? Oui, bien sûr, 6 heures, ce sera parfait. » Elle a empoigné sa bêche et elle a appuyé dessus. « En attendant, je vais planter mes graines. Je serai là à 6 heures. Merci. » Je suis retournée dans la maison et j'ai mis Doty au courant pour le dîner. J'ai sorti les assiettes et les couverts. Quand j'ai regardé par la fenêtre, Mary Rice n'était plus dans son jardin. Elle était rentrée chez elle. Rêve, traduit par François Lasquin, édition de l'Olivier. Lu par Luce Mouchel. Musique, Luc Arteneau. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Laurion Lancret, Marie Dupuis, Jean-Mathieu Zande. À demain pour une autre nouvelle de Raymond Carver.